regarde le ciel en pleurs. Je n'ai pas mourir demain. Je regarde passer les heures. On se retrouvera sans chagrin. Et pourtant regarde la voûte céleste sur quelle est plus belle que moi. Je regarde par la fenêtre et je cherche ton regard, ce regard que j'aime tant. Il est profond, mystérieux et souvent des câbles. Je te cherche en alerte et je vois que t'es pas là. Alors je m'effondre, personne pour me réveiller. Je suis comme la glace qui fond. C'était beau, tu plongeais au fond de moi. Je ne pouvais rien faire, à rougir, rien qu'à te voir. J'avais rien à faire, parce que sans cesse.